tu restes dans la voiture. Nous la maintiens là-bas. Non, tu sais quoi, vas-y, on nique tout aujourd'hui. T'as les bas, moi j'ai les KL. Et moi, et le Smith, le Smith, non, passe-moi le Smith. Vas-y, putain, j'ai, j'espère que personne n'a peur. Tout le monde a des couilles aujourd'hui. On nique tout, pas de bavure. Ouais, pas de bavure. Mon rêve à moi c'est d'avoir de l'argent, tellement qu'il en resterait pour les arrière-petits-enfants. Je veux réaliser ce rêve fixé dans ma conscience fêlée. Oh yeah ma John, ce soir nous allons braquer. J'ai tout minutieusement comme un fou mis dans les temps, oui j'ai mon plan. C'est pour 7h du matin, non, on la croisera dans le hall. Ma John faudra que tu m'épaules. Pour que tout aille, il faut que chacun tienne bien son rôle. La doc pour la monnaie est prêt à faire le ménage. Si y'a couille, bon main de wap, prêt à l'abordage. Faut bien que tu dormes, que tu tiennes la forme. Pas question de flairer, je veux pas perdre une telle somme. J'y réfléchis, depuis longtemps j'ai des insomnies. Oh yeah, je veux pas être pris bêtement dans un acte tentant. Je verserai une larme s'il y a lieu pour mes parents, c'est net. J'ai pensé au bas pour cacher nos têtes. Faut que tes réflexes d'avoir les guns, j'suis une fine gâchette. Le but sera d'obtenir le code du coffre en braquant sur sa tempe la calache du corps. Je craque, tu craques, on craque, on veut du genre. On frac, on veut le magot, le gros lot, je tout braque, dans le sac. On braque, on veut du genre. On frac, on veut le magot, le gros lot. Je suis à hors la loi, hormis mes taf, j'ai besoin du mal. Le crime paie, dis-tu, oui, la réclusion quand t'as fait ton choix. L'argent que je veux, c'est l'argent rapide. Je vois des gens avides, des gens vieillis, l'argent les rides. J'ai besoin de maille, mais les flous se rendent malheureux. Dis pas de conneries, mieux avec et la vie. Ceux qui disent un jour craque, ceux qui craquent en chien restent un rien malin braque. Le marché est grand, où que t'as y'a moyen de sauter la monnaie de Satan. Mais si tu attends, comme John attend, ta mort sera la richesse de ta vie. Dommage pour toi le vivant. Le gun shooter, bandit de Hyde, man au philo, le nègre auteur, pris pour le cœur de ceux qui n'ont pas peur. Le cercle est vicieux, tu pèses donc tu veux peser plus l'erreur. Vol pour vivre et pas pour peser. Pèse le pour et le con, débrouillard, sinon c'est un péché. Hors la loi, vole leur loi. De toute façon t'es martyr de leur justice. Viole leur loi, hors la loi. Pisse sur leur vis, car elles sont pour toi qu'injustice. Je braque, tu braques, on veut du genre. On vrac, on veut le magot, le gros lot, tout dans le sac. On braque, on veut du genre. On vrac, on veut le magot, le gros lot. Nos braquages n'ont pas voulu, à vrai dire on n'a pas le choix. Qui pourrait ramener la maille à part les casques bleus? Je ne vois que moi. Sans foi en qui que ce soit, je perds en toute vigilance. L'agence 333 agit sans assurance. Braque en vrac pour nos frères pris dans la souffrance. Pour qui de l'enfance, l'article 15 se présente sans qu'il le demande, maudit du monde. Ils récoltent les mauvaises ondes. Pour eux je braquerai bien en vrac à en remplir mon sac. Évitant les cul-de-sac. Ma chonk AKML 5 est en mission 333. Shoot pour le 3 devient un vrai hors-la-loi. Quoi de plus normal si on nous sucre nos droits? Je me bats pour toi et moi et passe pour hors-la-loi. Ma cause juste et menace les injustes. Une liasse à ma guise, le reste pour la liste. En tant que tu taxes pour le bien dépourvu de vices.